Les chasseurs de nazis. Chapitre 8. Un ultime baroud d'honneur. Deuxième épisode. Les gens me demandent, mais comment est-il possible que vous en soyez encore à chasser des nazis ? Ephraim Zuroff, à Jérusalem, dans son bureau du centre Simon Wiesenthal, revient sur tout le temps qu'il a passé à pourchasser les méchants. Ma femme exprimait toujours le plus grand étonnement sur le fait que cette chose continue encore. Elle était certaine que ça se terminerait il y a des années. Il y a trois choses ici. La première et la plus importante, la plus spectaculaire, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Les gens vivent plus vieux. Et comme je dis à moitié par plaisanterie, les gens sans conscience vivent encore plus vieux. La découverte de milliers d'anciens criminels nazis dans les pays anglo-saxons, ça a été le premier amplificateur. Et le second amplificateur, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Et tout ça ensemble, c'est la raison pour laquelle je chasse encore les nazis. Et il y a les remords des Allemands pour le très mauvais travail qu'ils avaient accompli jusqu'à présent. C'est également très important. C'est le seul pays qui les poursuit encore. Les Américains aimeraient bien le faire, mais il n'y a plus personne à poursuivre. Fondamentalement, c'est ce qui nous a conservés en vie. Écoutez, vous le savez, je suis né après la Seconde Guerre mondiale. Le fait que j'ai passé toute ma vie à chasser des nazis, c'est complètement fou. C'est complètement dingue. J'ai déjà 69 ans. J'ai dépassé l'âge de la retraite et je suis encore à poursuivre des nazis. Il y a encore des nazis à chasser. Plein. Plein, en fait. Mais ça dépend de la politique de poursuite judiciaire. En d'autres termes, si l'Allemagne en était restée à sa politique de poursuite d'il y a 10 ans, on n'aurait rien à faire. Ça serait terminé. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont changé. Ils ont adopté une politique qui reflète beaucoup mieux la réalité de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah que ce qui était le cas précédemment. Écoutez, il y a eu 12 inculpations au cours des trois derniers mois en Allemagne. Ces trois ou quatre derniers mois. 12. C'est incroyable. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Mon état d'esprit aujourd'hui ? Je suis convaincu que la justice conventionnelle ne peut pas traiter de crimes tels que la Shoah. C'est ma triste conclusion. Elle ne peut pas, elle ne l'a pas fait du tout. Tout ce que nous avons réussi à faire est purement une justice symbolique. Il n'y avait environ que 900 Allemands en Lituanie. Donc tout le mécanisme logistique des assassinats de masse. Souvenez-vous, les gens ont été assassinés près de chez eux, ils n'ont pas été envoyés en camp de la mort. 90% des gens en Lituanie ont été assassinés par balles. Par les escadrons de la mort. Il y avait deux escadrons de la mort. Le premier opérait à Ponar et autour de Vilnius, et le second a été envoyé en Biélorussie pour tuer des Juifs. Il y a 227 fosses communes en Lituanie, soit dit en passant, un pays de la taille d'Israël, mais de forme différente. En Lituanie, ils parlent sans fin de la Shoah. Mais c'est quoi la Shoah en Lituanie ? Comment ces méchants Allemands et Autrichiens sont venus dans notre pays pour assassiner nos Juifs ? Minute, qu'en est-il des Lituaniens ? Ah ouais, il y avait quelques dégénérés, quelques voyous impliqués. Mais pas les dirigeants, le clergé, l'intelligentsia. En Lituanie, la collaboration avec les nazis englobait toutes les strates de la société lituanienne. Ils n'ont puni aucun nazi. Je n'ai pas réussi à leur faire faire ça. Mais au moins, je peux leur faire dire la vérité. Peut-être. Qu'ai-je fait ? J'ai aidé à faire passer trois nazis en justice en Lituanie. J'ai révélé au grand jour la réhabilitation des assassins nazis. Et je me suis battu pour la vérité. C'est ça, la véritable mission. Tout comme la vraie mission de Wiesenthal était que la Shoah ne soit pas oubliée. Ma vraie mission est de faire reconnaître la vérité. Que les choses soient claires. Qui a fait quoi, à qui, quand. De ce point de vue, c'était la plus grande victoire imaginable. Quand j'ai commencé en tant qu'étudiant diplômé de l'université hébraïque en 1970, en automne 70, rapidement, très rapidement, je me suis rendu compte que si je voulais avoir une vie normale, je devais établir une barrière très solide et très élevée entre moi-même et ce sujet. À 68 ans, cette barrière, ce mur s'est fissuré et la Shoah a pris possession de ma vie. Je ne veux pas parler de ma vie privée, mais ça aussi, ça a été très affecté. Je ne sais pas encore si c'est en bien ou en mal. J'ai jamais senti. Écoutez, c'est totalement fou. Nous sommes allés jour après jour sur deux ou trois sites de massacres de masse. À chaque endroit, j'ai fait une petite prière. Chaque site, une prière commémorative. Et je crois que j'ai versé plus de larmes qu'au cours de toute mon existence. Et pour une raison ou une autre, il n'y a aucun doute dans mon esprit que ce n'était pas quelque chose de personnel. Écoutez-moi bien. J'ai essayé tout au long de ma vie de ne jamais en faire une question personnelle. En d'autres termes, jamais contre tel ou tel nazi spécifiquement. Ces gens ne m'intéressent pas. Je veux rien connaître d'eux, rien de personnel. C'est pas Ephraim Zurov contre Chandor Kepiro ou contre Antonash Gekash ou contre qui que ce soit d'autre. C'est les bons contre les méchants. Moi, je suis l'émissaire des bons. Je travaille pour les bons et j'essaie d'amener leurs assassins devant la justice. Autre chose que j'ai apprise de Wiesenthal, qui m'a énormément impressionné, c'est toute la question de la dette envers les victimes. C'est ce que nous devons aux victimes. Je crois que c'est un élément très important. Vous savez, j'enseigne, je donne beaucoup de conférences aux enseignants qui viennent à Yad Vashem. Je leur explique pourquoi c'est encore important de faire juger les nazis. Je leur raconte des petites histoires pour les garder réveillés, qu'ils ne s'endorment pas. Mais c'est un des points que je souligne. Et c'est ce que Wiesenthal m'a enseigné. Il a insisté sur l'importance que cela avait. Et je suis d'accord à 100% avec lui. Je pense que dans votre cœur, tout ça a toujours été une affaire personnelle. Ça aurait pu devenir personnel. Ça n'a jamais été personnel. Jamais. Je vous le dis, je vous le jure. Mon rêve était de devenir le premier juif diplômé de droit à jouer pour la NBA. Je n'aurais pas pu faire ce travail si j'étais fils de survivant. Mais je ne suis pas un fils de survivant. Donc pour moi, c'est bien moins personnel que si j'avais été fils de survivant. En passant, très souvent, des gens viennent me voir et me disent « Vous faites le travail que je rêvais de faire. Quand j'étais ado, je voulais devenir chasseur de nazis. » Et de qui s'agit-il? Ce sont des enfants ou des petits-enfants de survivants. Donc, grâce à Dieu, je ne suis pas un enfant de survivant, ni un petit enfant de survivant. Donc, je peux le faire ou je pouvais le faire. Ruta, ma femme, avait cette chanson sur sa cassette dans la Jeep. Et on la faisait passer. Et la première fois que je l'ai entendue, j'ai craqué, je me suis mis à pleurer et tout ça. Et les fois suivantes, je pleurais de moins en moins. On roulait vers l'aéroport. Et Ruti me dit, on va passer notre hymne. On l'avait appelé notre hymne, cette chanson. Je dis, d'accord, pas de problème. Je l'avais entendu tellement souvent, je ne pensais pas que ça aurait un effet sur moi. Et soudain, j'ai éclaté en sanglots, comme si je faisais une crise d'angoisse. Je ne fais jamais de crise d'angoisse. J'ai dit, je sens que je ne peux pas les abandonner. Je ne peux pas abandonner ces gens enterrés dans ces charniers. Si je pars maintenant, je les abandonne. Je les abandonnais. Je ne devrais pas chanter. Moi, je chante les vraies paroles. Eux, ils ont merdé avec les paroles. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Botrim Bashem Katzion Loimot Leolam Yeshev Yerushalayim Harim Savivla. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Yerushalayim Harim Savivla Vashem. Ça devient très personnel, là. Ah, vous m'avez eu. À demain, pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.